حفظه الله تعالى concernant ce qui est à accomplir après Ramadan. Le shir, après avoir loué, glorifié et attesté de l'unicité d'Allah et de son droit exclusif à l'adoration, et après avoir attesté de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et avoir invoqué en sa faveur, le shir fit suivre cela d'invocation en sa faveur ainsi qu'en faveur des auditeurs et des auditrices, ayant suivi cette assise donnée sur la chaîne Telegram du Merkez, dirigée par le noble shir. Et parmi ce qu'il demanda à notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, c'est qu'il nous accorde le succès quant à l'accomplissement de ce qu'il aime et agrée à Azzawajal, et qu'il fasse que nos propos et nos actes lui soient voués exclusivement, et que nous soyons des gens qui bénéficient de l'exhortation qu'il leur est adressée, et qui en suivent ce qu'elle contient de meilleur. Puis il introduisit le sujet de cette allocution, à savoir, qu'y a-t-il après Ramadan? Il mentionna que le mois de Ramadan est un mois noble, qui constitue une période parmi les périodes de l'année considérée comme étant une période de l'année dans laquelle il est propice d'adorer Allah, c'est-à-dire c'est une période de l'année propice à l'adoration ainsi qu'à l'obéissance envers Allah. Et ce mois de Ramadan est passé pour chacun d'entre nous avec ce qu'il contient comme leçon et enseignement bénéfique, et pour toute personne qui s'est vue accorder la réussite et qui fut aidée par Allah et qui a donc pu passer Ramadan dans l'adoration, a alors perçu ses enseignements et ses leçons bénéfiques relatives à la foi. Ces leçons que l'on tire dans Ramadan, cette éducation que l'on tire dans Ramadan, il convient à tout musulman auquel Allah aura accordé la réussite, ainsi qu'à toute musulmane de préserver la dévotion, c'est-à-dire qu'ils préservent leur dévotion qu'ils ont accomplie pendant ce mois, qu'ils persistent et soient constants dans leur adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh fit la mention du verset 99 de Sourate Al-Hijr, dont le sens en français est le suivant: et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et le cheikh a expliqué le terme de la certitude en expliquant que ceci désignait la mort, c'est-à-dire adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort te vienne. Et donc Allah a donc ordonné son prophète والسلام, de l'adorer jusqu'à ce que lui vienne la certitude, donc à savoir la mort. Et cet ordre est adressé dans un premier temps au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également dans un second temps à sa communauté. Durant le mois de Ramadan sont accomplies de grandioses adorations, et comme mentionné précédemment, c'est une des périodes dans l'année dans laquelle il est venu l'incitation envers l'accomplissement des actes d'adoration et l'obéissance envers Allah. Ils sont accomplis le jeûne, les nuits qui sont veillées en prière, la récitation du Coran, l'incitation envers l'invocation, le fait de s'écarter des préoccupations relative à ce deuil et des distractions de ce bas monde, ainsi que de se libérer afin d'être en mesure de se consacrer à la dévotion religieuse envers Allah. Ces actes d'adoration, le musulman se doit d'en faire sa provision pour le reste de l'année, de sorte à ce qu'il soit constant dans ses adorations par lesquelles il se rapproche d'Allah. Le jeûneur pendant Ramadan, ayant jeûné avec ses membres, en s'abstenant d'assouvir ses pulsions de façon illicite, s'abstenant de boire, s'abstenant de manger, s'abstenant d'avoir des rapports sexuels avec son épouse, s'abstenant de se livrer aux actes de désobéissance avec ses membres, c'est ainsi alors concrétisé en lui la piété, la taqwa d'Allah. Qui est l'objectif derrière le jeûne? En effet, le cheikh fit la mention du verset numéro 483 de Sourate Al-Baqarah, dont le sens en français est le suivant: ô vous qui avez cru, le jeûne vous fut rendu obligatoire comme ceci fut le cas pour les communautés précédentes, et ceci dans le but que vous soyez pieux. Donc, ô toi le musulman, ô toi la musulmane, si tu as jeûné de la manière qui sied, c'est-à-dire de la manière ordonnée par Allah, et que durant l'accomplissement de ton jeûne se manifestaient les effets de ton jeûne sur tes membres, que tu t'es donc écarté des péchés, des actes répréhensibles, alors ceci est le but derrière l'obligation du jeûne et de sa législation. Et quiconque donc s'est habitué à cette manière d'agir, c'est-à-dire s'est habitué à agir de la sorte, alors il se doit de continuer sur sa lancée, sur la droiture religieuse, et que cette droiture soit respectée en toutes circonstances et en toute situation. Et le cheikh fit la mention une seconde fois du verset 99 de Sourate Al-Hijr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon le sens du verset en français, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Et celui qui aura ressenti durant le jeûne l'apaisement et le bonheur, qu'il sache que le jeûne est légiféré durant le reste de l'année, comme en témoigne le hadith rapporté par Aïcha, anha, dans lequel elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attendait avec joie la survenue du lundi et du jeudi afin de pouvoir y jeûner. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam a clarifié la sagesse de ce jeûne, c'est-à-dire de ce jeûne qui est accompli spécifiquement durant le lundi et le jeudi. Il a expliqué alayhi salatu wa sallam qu'en ces jours particuliers, c'était des jours dans lesquels les œuvres sont exposées à notre Seigneur et qu'il aimait que cela survienne alors qu'il était en état de jeûne. Et je rappelle une faïda, note du traducteur. Je rappelle ici une faïda de notre cher Ahmed Badoukhoun dans une autre allocution qu'il avait donnée sur le sujet du jeûne notamment, dans laquelle il avait mentionné une faïda des ulémas qui avait expliqué la sagesse du fait de spécifiquement jeûner durant les jours dans lesquels les œuvres sont exposées à Allah. En effet, le choix du jeûne est un choix qui est sage, dans le sens où le jeûne est une adoration qui est continue durant la journée. C'est-à-dire que la personne dort, va à la mosquée, accomplit ses actes du quotidien, alors qu'il est en état de jeûne. Ça veut dire que durant toute la journée, il va être considéré en état d'adoration, c'est-à-dire en état de jeûne, qui est un état donc dans lequel il est en adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il va qu'à ses occupations quotidiennes. Et ça, c'est une des sagesses derrière le fait de spécifier le jeûne par rapport au lundi et jeudi. Fin de parenthèse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le cheikh Ahmed Badouhoun l'a mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, lorsqu'il sut de lui ses efforts diligents et fervents dans l'adoration, à savoir que Abdullah ibn Amr ibn al-As veillait chaque nuit en prière et jeûnait chaque jour, et qu'il avait juré par Allah qu'il agirait de la sorte jusqu'à sa mort. C'est-à-dire qu'il a juré de prier chaque nuit et de jeûner chaque jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut au courant de cela, c'est-à-dire il fut mis au courant de cela sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il sut cela, il l'interrogea sur ses propos, s'il était bel et bien celui qui avait exprimé ses propos. Et il confirma que c'était bel et bien lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rétorqua, tu n'es certes pas en mesure de faire cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'orienta vers des modalités dans la manière d'accomplir le jeûne. Parmi elles, il orienta ce noble compagnon radiallahu anhu vers le jeûne de 3 jours dans le mois. Dans le sens où le fait de jeûner 3 jours dans le mois, ceci est similaire au jeûne qui est accompli tous les jours. Car la bonne œuvre est multipliée par 10. Or, s'il venait à jeûner 3 jours dans le mois, alors ceci serait comme s'il avait jeûné tout le mois. Et s'il venait à accomplir cela tous les mois, ceci serait comme s'il avait jeûné toute l'année. Et le noble compagnon, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, avait dit qu'il pouvait jeûner plus que cela. C'est-à-dire qu'il était capable de jeûner plus que cela. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a alors orienté vers une autre modalité. En effet, il l'orienta vers le fait de jeûner un jour sur deux. Et le compagnon dit qu'il pouvait jeûner plus que cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'informa du fait qu'il n'y avait pas une meilleure forme de jeûne que celle-ci, et que ceci était le jeûne qui était accompli par son frère le prophète Daoud. Non. Et donc le cheikh Ahmed Badoukhoun fit remarquer un point ici, dans le sens où il mentionna la méditation et le fait d'admirer ici le grand désir des compagnons envers l'adoration. Car Abdullah ibn Amr ibn al-As était un jeune homme fort, ayant un grand attrait envers l'accomplissement du jeûne, envers l'adoration, envers la veillée en prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était très miséricordieux envers sa communauté, l'a d'abord orienté dans un premier temps vers l'accomplissement de 3 jours de jeûne mensuellement uniquement. Et il donna des orientations à Abu Huraira, qui était un jeune homme qui passait son temps dans l'apprentissage, la mémorisation ainsi que la révision du hadith. Et Abu Huraira a donc reçu ses orientations et ses recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les a rapportées. En effet, il a dit, il m'a recommandé mon très cher bien-aimé, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'accomplir assidûment 3 choses. De jeûner 3 jours chaque mois. De faire les 2 unités de la prière de Duha. De prier le witr avant que je ne dorme. Pourquoi cette troisième recommandation? C'est-à-dire de prier le witr avant qu'il ne dorme. Alors que l'on sait qu'il est plus méritoire de retarder l'accomplissement du witr dans ce dernier tiers de la nuit. Le cheikh mentionna qu'Abu Huraira était quelqu'un qui passait énormément de son temps dans l'acquisition du savoir, côtoyant assidûment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait pas de propriété ou d'activité qui le préoccupait. Il était totalement dévoué à passer son temps dans les assises du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à apprendre de lui, se contentant de ce qui lui parvenait comme nourriture par des dons, que ce soit des dons de l'ordre de l'aumône ou de l'ordre du cadeau. Et il endurait patiemment sur la faim qu'il subissait et dont il souffrait dans son cheminement dans l'apprentissage de la religion. Au point qu'il fut rapporté que Abu Huraira a dit, les gens disent d'Abu Huraira comme quoi il rapporte beaucoup de narrations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du messager d'Allah. Et Cheikh Ahmed Badouhoun commenta cela en disant que jusqu'à de nos jours, il y a des gens qui disent cela à propos d'Abu Huraira, ne connaissant pas réellement qui il est, ce qu'il a transmis comme science, ce qu'il a acquis comme savoir et ce qu'il a transmis comme narration du messager d'Allah. Et les gens donc ont émis des remarques concernant son abondance dans les narrations. C'est-à-dire que ils ont fait remarquer qu'il est abondant dans la transmission des narrations du prophète alayhi, alors qu'il s'est converti durant la 7e année après l'émigration prophétique, c'est-à-dire près de 4 ans avant la mort du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa. Et que des compagnons qui se sont convertis avant lui, ayant accompagné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa plus longtemps que lui, ne sont pas aussi abondants dans les narrations qu'ils transmettent du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et en réaction à ce genre de remarque, il dit, si ce n'était un verset qui se trouve dans le Coran, je ne vous aurais jamais transmis un seul hadith. Et le cheikh Ahmed Badouhoun fit la mention de ce passage du Coran, qui se trouve dans sourate Al-Baqarah, dans le verset 159 et 160, dont le sens en français est le suivant. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guides, après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent, sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et ont déclaré, d'eux, je reçois le repentir, car c'est moi l'accueillant repentir le miséricordieux. Donc, Cheikh Ahmed Badouhoun commenta ce passage en expliquant que donc, si ce n'était ce passage du Coran, Abu Huraira a dit qu'il n'aurait jamais rien transmis du messager d'Allah. Et sa transmission abondante n'a pas émané de lui dans le but d'être connu pour cela, mais c'était dans le but de transmettre les narrations du messager d'Allah. Et à travers Abu Huraira, Allah subhanahu wa ta'ala préserva de nombreux enseignements prophétiques. Et Abu Huraira s'est justifié en disant, mes frères parmi les muhajiroun étaient occupés par les activités qu'ils avaient dans les marchés. Et mes frères parmi les Ansar, quant à eux, étaient occupés par leurs champs de culture. Et le cheikh Ahmed Badouhoun commenta ce propos en disant qu'il ne doit pas être compris du propos d'Abu Huraira, que ceci veut dire que les compagnons s'adonnaient à la poursuite de ce que contient ce bas monde et n'accordaient pas de temps pour l'acquisition du savoir dont l'acquisition est une obligation. En effet, Abu Bakr et Omar, radiallahu anhuma, et autres que eux, ont côtoyé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, plus qu'Abu Huraira, et participaient aux assises d'enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois, ils participaient aux assises de façon alternée, comme ceci est survenu de Omar et de son voisin yani son voisin parmi les Ansar. Note du traducteur. Le cheikh Ahmed Badouhoun ici a fait référence au fait que Omar ibn Khattab avait des préoccupations par rapport aux troupeaux qu'il devait garder. Il s'était mis d'accord avec un parmi les Ansar, radiallahu anhum ajma'in, pour alterner leur présence auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'un jour, Omar ibn Khattab était auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et s'instruisait dans la religion, et son troupeau était gardé par le Ansari, qui gardait son troupeau et le troupeau de Omar. Et le soir, Omar transmettait les enseignements qu'il avait pris du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à ce Ansari. Et le lendemain, c'était l'inverse. C'était le Ansari qui passait la journée en compagnie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tandis que Omar s'occupait de son troupeau ainsi que le troupeau du Ansari. Et le soir, le Ansari transmettait ce qu'il avait pris du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à Omar. Voilà ce à quoi le cheikh a fait référence, ce à quoi il a fait allusion. Fin de parenthèse. Et donc, le cheikh expliqua comment devons-nous comprendre la parole d'Abu Huraira. vis-à-vis des Sahaba. Nous comprenons donc son propos dans le sens où il était plus libre que les autres. Il était en mesure de passer plus de temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les autres. Et comme il l'a dit lui-même dans sa réaction aux remarques émises à son encontre, quant à moi, je côtoyais assidûment le messager d'Allah, me contentant du peu qu'il me parvenait comme nourriture, et j'étais présent lorsque eux étaient absents, et je retenais lorsque eux oubliaient. Et le cheikh a fait la mention, c'est-à-dire notre cheikh Ahmed Badourhoun, hafidhahullah, a fait la mention d'une narration du noble compagnon Abu Huraira concernant sa noble mémorisation, sa forte mémorisation. En effet, Abu Huraira a rapporté qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque d'entre vous viendrait à étendre son vêtement jusqu'à ce que je termine mon allocution, puis qui rabat son manteau sur lui-même, par la suite n'oubliera rien des ahadiths qu'il entendra de moi. Abu Huraira rapporta avoir fait cela, c'est-à-dire qu'il a étendu son manteau, il a étendu son vêtement, jusqu'à ce que l'allocution du prophète sallallahu alayhi wa sallam prenne fin, et que par la suite il l'a rabattu sur lui-même, et qu'après avoir agi en concordance avec l'indication prophétique, il n'oublia rien de ce qu'il avait entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire. Et du fait qu'il était abondant dans la transmission, fervent dans la préoccupation avec le savoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a recommandé donc trois choses. De prier le witr avant qu'il ne dorme, de faire les deux unités de la prière de Dhuha et de jeûner 3 jours chaque mois. C'est-à-dire que bien que tu sois quelqu'un qui se consacre à l'acquisition du savoir, ne délaisse pas les autres actes d'adoration, ne délaisse pas le jeûne, ne délaisse pas la prière de la nuit et la lecture du Coran. Car par ces choses, la personne purifie et perfectionne sa personne. Et elle co se concrétise alors en lui, ou plutôt en elle, en cette personne, les effets bénéfiques de la science bénéfique qui fut acquise. Et il convient donc d'avoir des adorations sur lesquelles on est constant. En effet, Aïcha, radiallahu anha, rapporte une adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il accomplissait durant Ramadan et en dehors de Ramadan. En effet, elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dépassait pas, ni n'enlevait quoi que ce soit à l'accomplissement de 11 unités de prière, que ce soit durant ou en dehors de Ramadan. Il accomplissait d'abord, dans un premier temps, 4 unités de prière longues et superbes, puis il priait ensuite 4 autres unités de prière longues et superbes, puis il faisait le witr en 3 rak'at, en 3 unités de prière. Ceci était le witr du prophète alayhi salatu wa sallam durant Ramadan et en dehors de Ramadan. Et il priait durant la nuit, que cela soit durant Ramadan ou en dehors de Ramadan, d'une prière tellement intense que ses pieds s'en sont fendus. Alayhi salatu wa salam. Et ainsi, il convient aux musulmans d'avoir une part d'adoration surérogatoire, sur laquelle il est constant, durant chaque nuit. C'est-à-dire qu'il essaye de prier durant chaque nuit. Mais dans le cas où il serait empêché de prier durant une nuit, par une quelconque excuse, alors il peut rattraper cela lors de Doha, comme ceci était la pratique du prophète alayhi salatu wa salam. Et le temps de Doha commence après le lever du soleil, lorsque le soleil s'est distingué de l'horizon d'une distance d'une lance, comme le cheikh Ahmed Badoukh nous l'a enseigné dans Fiqh al-Muyassar, jusqu'au moment où le soleil est en plein zénith. C'est-à-dire, au niveau de ce moment-là, ce temps-là est un temps dans lequel la prière est à présent interdite. Et le cheikh Ahmed Badoukhoun a poursuivi en disant que le fait que tu sois quelqu'un qui s'adonne à la quête du savoir, tu lis, tu étudies, tu révises, ceci est bien, mais ne délaisse pas le witr, ne délaisse pas les prières surérogatoires qui sont accomplies avant et après les prières obligatoires. Ne délaisse pas la prière de Doha si tu en es capable. Ne délaisse pas le jeûne surérogatoire. Si tu ne peux pas jeûner tous les lundis et les jeudis, alors ne délaisse pas au moins le fait de jeûner 3 jours par mois. La constance dans les actes d'obéissance est un signe de leurs acceptations auprès d'Allah. Tandis que celui qui persévère un temps dans les adorations, puis qui délaisse les nawafil, celui-là sera inéluctablement amené à avoir des déficiences quant à son accomplissement des actes d'adoration obligatoires. Car les rawatib et les nawafil sont des actes qui complètent les actes obligatoires. Le cheikh a fait la mention d'un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait informé et enseigné que le jour du jugement, la première chose sur laquelle sera jugé le serviteur parmi les actes d'adoration, c'est la prière. Et il sera dit, c'est-à-dire qu'Allah dira concernant la prière, s'il y a des manquements qui sont survenus dans l'accomplissement de la prière obligatoire par le serviteur, de regarder dans les prières surérogatoires afin que soient comblés les manquements survenus dans la prière obligatoire. Et il en est de même concernant le jeûne et l'aumône, c'est-à-dire que les déficiences que nous avons, qui émanent de notre part dans l'accomplissement et dans l'acquittement des prières obligatoires, sont compensées par les prières surérogatoires que nous avons accomplies. Et il en est de même pour les déficiences survenues dans le jeûne et les déficiences survenues vis-à-vis de l'aumône. Donc, le cheikh nous a expliqué que nous sommes tous déficients, nous avons tous des manquements quant à notre accomplissement et notre acquittement des actes d'adoration obligatoires. Mais nous ne devons donc pas négliger et délaisser les actes d'adoration surérogatoires, car nous en avons besoin, car elles complètent nos manquements et nos déficiences. Et il mentionna que les rawatib, donc les prières qui sont accomplies avant et ou après les prières obligatoires, sont les suivantes. 2 unités de prière avant le fajr, 4 unités de prière avant dhuhr, et 2 après, 2 unités de prière après le maghrib, et 2 unités après l'isha, et ensuite witr. Et il dit, personne ne doit délaisser ces prières-là, surtout celui qui s'adonne à l'étude du savoir. Et il mentionna une faïda, un enseignement bénéfique, dans lequel le cheikh Ahmed Badouh, hafidhahullah, a mentionné que la majorité des ulémas avaient considéré qu'il était légiféré pour celui qui était habitué, c'est-à-dire qu'il était assidu quant à l'accomplissement de ses rawatib, s'il venait en rater une, qu'il pouvait la rattraper. Et il prouva cela en mentionnant le hadith rapporté par Umm Salama, radiallahu anha, qui est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, dans lequel elle rapporta qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra dans son appartement, c'est-à-dire l'appartement de Salama, qui était une de ses épouses, radiallahu anha, et elle le vit prier 2 unités de prière, mais après la prière d'Al-Asr. Et elle l'interrogea concernant l'accomplissement de ces 2 unités de prière. Ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliqua qu'il rattrapait alors 2 unités de prière qu'il accomplissait avant Dhuhr, mais qu'il n'avait pas pu accomplir en ce jour. Donc il était en train de rattraper une des rawatib que l'on accomplit avant une des prières, et en l'occurrence c'était les 2 rak'at qu'on peut accomplir avant Dhuhr. Ensuite, le cheikh Ahmed Badouhoun a mentionné une autre adoration que l'on accomplit pendant Ramadan et qui est à accomplir après Ramadan et qui est légiférée durant toute l'année, c'est la lecture du Coran, vis-à-vis de laquelle il y a une incitation quant au fait d'en multiplier la lecture durant Ramadan. Et il convient d'être constant sur cette pratique qui est la lecture du Coran durant toute l'année. Et ceci est légiféré toute l'année. Le cheikh a donné quelques conseils en disant qu'il faut que tu aies une portion journalière, une portion quotidienne, c'est-à-dire qu'une portion que tu lis tous les jours, une portion que tu estimes toi-même, car chacun se connaît, chacun connaît ses préoccupations, ses occupations et ses responsabilités. Et donc, tu dois choisir une portion du Coran que tu penses être en mesure de pouvoir respecter tous les jours et que tu ne diminues pas de cette portion, que tu y sois fidèle et que tu t'y astreignes. Et il dit donc, celui qui peut respecter le fait de lire 2 juz par jour ou 1 juz par jour ne devra pas lire en deçà de cela. Ou au minimum, si c'est une personne extrêmement occupée, alors 1 demi-juz. Note du traducteur. Le juz, pour ceux qui d'entre vous ne le savent pas, est une portion du Coran. Et le juz contient à peu près une vingtaine de pages du Coran. Et le Coran est divisé en 30 juz ou en 60 hizb. Donc, le cheikh, lorsqu'il dit lire au moins 1 demi-juz, ça faudra dire au moins lire 10 pages du Coran. Ou 1 juz, donc une vingtaine de pages. Ou 2 juz, donc une quarantaine de pages par jour. Et le cheikh a mentionné que, fin de parenthèse, et le cheikh a mentionné que si c'est une personne qui a mémorisé le Coran, alors ceci lui sera facilité. Sinon, la personne lit directement depuis le mushaf. Et le mieux dans le fait de respecter sa portion de récitation du Coran quotidienne, c'est de joindre entre la récitation du Coran et la prière, en lisant notre portion quotidienne du Coran durant le dernier tiers de la nuit, c'est-à-dire durant Qiyam al-Layl, joignant ainsi entre la récitation du Coran et la prière. Et également, le cheikh fit une recommandation concernant quelque chose qui va aider à être constant et rigoureux dans l'adoration durant le reste de l'année après Ramadan. L'étude du savoir, le fait de faire talab al-ilm, le fait d'apprendre la religion. Car l'étude du savoir lie l'individu au Coran. Elle lie l'individu à la sunna par la lecture du Coran et des hadiths du prophète alayhi salatu wasalam. Ça lie le serviteur au uléma, aux savants, par le fait de consulter leurs livres, de bénéficier de leurs conseils, de leurs recommandations, de leurs exhortations et de leurs enseignements bénéfiques. Et ceci, c'est-à-dire la quête du savoir, va être donc une cause de fermeté sur la religiosité, dans le sens où la personne ne va pas fléchir, ne va pas flancher, ne va pas faiblir. Car la fermeté dans la quête du savoir et la constance dans cela va préserver la personne des troubles, la préserver des ambiguïtés, la préserver de l'assouvissement des désirs et des pulsions illicites. Et à notre époque, nous avons encore plus besoin du savoir qu'auparavant, car les troubles sont propagés. Les éléments qui sont des éléments qui détournent le serviteur et la servante d'Allah de la religion sont nombreux. Les désirs illicites sont présents. Les ambiguïtés sont présentes et propagées. Mais si la personne étudie, qu'elle a l'opportunité d'étudier directement avec des ulémas, ou d'étudier auprès des savants ou des étudiants, et qu'elle est dans un programme scientifique, qu'elle suit un programme dans un marquez, dans un centre, alors ceci va l'augmenter en science. Et ceci l'aidera à se prémunir des troubles et des ambiguïtés et des désirs illicites. Et de ce fait, de par ce statut dont jouit la quête du savoir, les savants ont divergé sur quelle est la meilleure adoration dont l'accomplissement est recommandé. C'est-à-dire qu'en dehors des actes d'adoration obligatoires, parmi toutes les adorations dont l'accomplissement sont de l'ordre de la recommandation, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation, quelle est la meilleure d'entre elles? Les ulémas ont divergé. Certains ont dit la salah, certains ont dit la lecture du Coran, certains ont dit d'autres options. Et les savants donc ont divergé sur cela. Et Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn al-Uthaymeen et le cheikh Abdurrahman ibn al-Sadi, pour ne citer que eux, ont considéré que la meilleure adoration dont l'accomplissement est de l'ordre de la recommandation, c'est-à-dire parmi les actes recommandés, c'est la quête du savoir. Note du traducteur. Je tiens ici à éclaircir un point. Le cher ne veut pas dire que la quête du savoir est uniquement recommandée. Il y a une quête du savoir qui est de l'ordre de l'obligation. C'est ce à travers quoi on peut établir sa religion, comme le cher l'a mentionné dans son explication de Thalathatul Usul, qu'il enseigne en ce moment dans le Merkez. Walil alhamd. Mais il existe une forme de quête du savoir qui est de l'ordre du recommandé. Et donc, dans toutes les actes, toutes les formes de dévotion dont l'accomplissement est recommandé, la quête du savoir dont l'accomplissement est recommandé en est la forme d'adoration qui en est la meilleure. Fin de parenthèse. Et le cheikh fit la mention du verset du Coran, Sourate Al-Mujadala, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon le sens du verset en français, Certes, Allah élèvera ceux qui parmi vous ont cru et ceux qui d'entre vous ont reçu le savoir, il les élèvera en degré. Et le cheikh a expliqué que donc c'est une élévation par la science. Il y a déjà dans un premier temps une élévation par la foi, car à travers la foi, par le fait d'accorder la foi à son serviteur, Allah l'élève au-dessus du mécréant et de l'hypocrite. Mais ensuite, parmi les croyants, Allah élève parmi eux d'autres, parmi eux, par le fait de les élever d'une élévation distincte par le savoir. Et il mentionna un hadith corroborant l'élévation du serviteur par l'acquisition du savoir. En effet, il mentionna un hadith dans lequel le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné. Il sera dit au mémorisateur du Coran, c'est-à-dire celui qui aura mémorisé du Coran, qui aura mémorisé le Coran. Il lui sera dit, Yom al-Qiyamah, de s'élever au sein des degrés du paradis, et il lui sera dit, récite, récite et élève-toi. Et ta dernière portion, yani ton dernier degré que tu atteindras, c'est-à-dire dans le paradis, sera en proportion du dernier verset que tu réciteras. Et donc, si une personne a l'opportunité d'apprendre avec les mashayikh directement, ou dans des instituts, dans des maraquis, ou sinon, alors par Internet. Et le cheikh a mentionné un point ici qui est très important avec lequel je vais conclure ma modeste traduction approximative et résumée des propos du cheikh. C'est que le cheikh a mentionné que les pieux prédécesseurs ont subi des difficultés, ont subi des méfaits, ont subi des torts. Ils ont souffert et enduré pour acquérir le savoir. Ils ont patienté et ont appris la science et ont transmis le savoir. Mais quant à nous, à notre époque, nous n'avons pas d'excuses. Car tout a été mis en place pour nous de façon à nous rendre accessible, facile d'accès, le savoir. Donc il convient pour nous de faire des efforts. Et le cheikh fit la conclusion de son assise par des invocations qu'il fit. Et nous implorons Allah tabaraka de les exaucer. Qu'Allah nous accorde ainsi qu'au cheikh la réussite dans cette dunya ainsi que dans l'au-delà. Qu'Allah récompense le cheikh pour ses efforts diligents dans l'enseignement de la sunna. Et sachez que le cheikh donne des cours d'arabe dans son merkez, mais il donne des cours également de religion dans son merkez. Et les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session pour ceux qui voudraient s'instruire, si certains d'entre vous n'ont pas déjà un programme avec des ulémas ou avec d'autres mashayikh, ou avec des étudiants en sciences ayant étudié auprès des mashayikh. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum hadha, wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.